Cette semaine à réanimation, je vous ai concocté une mission toute particulière. J'ai eu cette idée alors que la nuit dernière, j'étais à effectuer une transplantation de cerveau, soit celui d'un hamster, dans la boîte crânienne du cousin de Sinistros, un dénommé Crétinstros. Je me suis alors dit que cela était probablement une intervention qui ne mènerait à rien, puisque malgré le fait que le hamster démontrait des aptitudes hors du commun, comparativement à celles du cousin de Sinistros, qu'en bout de ligne, ce qui ne pouvait être amélioré devait demeurer tel quel ou devenait exagérément ridicule. Donc, pour cette édition du Undead Incorporated Show, j'ai pris la décision de ne rien faire de particulier tout en exagérant le contenu au ridicule. Écoutez bien, nous débutons cette émission avec absolument rien du tout. Ça, c'est nouveau et audacieux. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il ne fait rien. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause Pendragon said so. Go. We'll be right back. Take it! T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h. Sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Avis de recherche. Toi. Rejoins l'équipe de C'est Fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Suivant. Qu'est-ce qu'il te faut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, pis là j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique pis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 18 février de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagne, métalliquement parlant, jusqu'à 21h. Quoi? Ah, c'est Gustave, mon nouvel ami. Mais il faut le dire vite. Qu'est-ce que tu dis, Gustave? Quoi? Il y a des drôles de choses qui se promènent dans la cour arrière. Non, c'est pas des choses. Ce sont des pensionnaires. Oui, c'est bizarre qu'il se promène en criant cerveau. Ben, inquiète-toi pas, il y a longtemps qu'elle tient disparue. Oui, va jouer plus loin, Gustave. Bon, Gustave est parti. Ah, qu'est-ce que vous voulez? On a les amis qu'on mérite, j'imagine. Premier bloc de cette édition de réanimation, un bloc heavy metal, bien entendu. Et c'était la formation torontoise, canadienne, Anvil, et la pièce Flying que l'on retrouve sur leur dernière parution, Hope in Hell, qui faisait partie de mes albums fort prisés en 2013. Anvil qui en sont à leur 15e album, proprement dit, complet studio. Et ils existent quand même depuis 1981, et je dois dire que j'ai de l'admiration pour la formation Anvil, surtout depuis 2009, alors que Sam Don a eu la bonne idée de produire le documentaire Anvil, The Story of Anvil, qui a grandement contribué à voir cette formation de la façon réelle dont ils étaient, c'est-à-dire principalement Lips et Rob, qui ont été des personnages très persévérants malgré de nombreuses embûches, de nombreuses déceptions, de nombreux investissements de temps et d'argent qui n'ont abouti souvent à pas grand-chose. Ils ont toujours persévéré et je pense que aujourd'hui ils commencent à recevoir un petit peu le retour de l'ascenseur, ce qui est franchement et grandement mérité dans leur cas. Et selon moi, Open Hell est un très bon album de heavy metal. Et d'ailleurs, la pièce Flying, bon, c'est ma préférée, je le concède, mais si on écoute bien les riffs de guitare, c'est très rock dans son essence pure, avec une sauce métallisée, donc on n'est pas obligé d'écouter tout le temps du death ou du black ou de l'extreme metal pour apprécier un bon metal. Et c'était le cas de Anvil. Juste auparavant, nous avions une autre excellente pièce qui se voit l'une de mes mes préférées de cette formation allemande, soit Accept, la pièce des Habits que l'on retrouve sur l'album Blood for the Nations, qui paraît en 2010 sur Nuclear Blast. Et je me permets de dire aussi que j'ai jamais été un fan extraordinairement fidèle à Accept. À leur début, oui, évidemment, parce que c'était... j'ai fait partie de la vague de ceux qui ont connu les premiers balbutiements du métal, la transformation du hard rock au métal, et ainsi de suite. Et c'était nouveau, c'était beau, il y avait des bons albums, effectivement. Mais j'ai trouvé qu'à un certain moment donné, ça devenait un petit peu essoufflé, un petit peu redondant. Donc, j'ai comme laissé tomber un peu Anvil. Anvil, qu'est-ce que je raconte? Accept. Mais... je dois dire que depuis que le vocal est assuré par Mark Tornillo, qui est l'ex-chanteur de T.T. Quick, ben ça m'a aussi réconcilié avec Accept, parce que Udo, moi, c'est oui, c'est correct là, mais à la longue, son vocal il me tape ses nerfs. Quoique, il y a des similitudes entre les deux, je préfère de loin le vocal de Tornillo, qui donne un, je sais pas, pour moi c'est une dimension un peu plus profonde. Nous avons Gravedigger auparavant et la pièce The Gravedigger qu'on le retrouve de quel album? The Gravedigger qui est paru en 2001 sur Nuclear Blast. Anthrax et la pièce Metal Trashing Mad. C'est ma pièce préférée d'Anthrax qui apparaît sur le premier album Fistful of Metal qui est paru en 1984 sur Megaforce. Et nous avons ouvert avec une chose qui c'est simplement la deuxième fois, je pense, en quasiment 14 ans d'émission que j'ai passé cette formation, c'est-à-dire Running Wild. La pièce Diabolic Force que l'on retrouve sur Gates to Purgatory qui est paru en 84 sur Noise. C'est une autre des formations avec laquelle... Ben, je dis renouer. Non, c'est pas vrai. Je vais être plus franc que ça, que j'ai redécouvert il y a, je dirais, moins d'une année. Il y a des bandes comme ça qu'à un certain moment donné, quand ça fait, moi, je dois le dire, plus de 30 ans qu'on écoute du métal, à un moment donné, on en oublie certains, on passe à autre chose, on écoute des nouveaux bandes, on revient à des trucs qu'on a aimés dans le temps, puis il y en a qu'on perd à travers ça, puis à un moment donné, on fait des petites recherches, puis on dit, ben oui. Ça existait sur Running Wild. Donc, Diabolic Force, qui, c'est pas vilain, hein. En fait, ça a peut-être un petit peu mal vieilli, Running Wild. Ben, en fait, pour cet album-là, pour le moins de 84, là. Mais il reste qu'il y a un certain charme qui s'en dégage tout de même. Ce soir, une mission, encore une fois, dois-je le dire, chargée, pour bien, à bien des aspects. Ben, évidemment, parce que je vais avoir une chronique cinéma tout à l'heure. Je vais avoir une chronique musicale, et elle est spéciale, cette chronique musicale-là, parce que je vais prendre la peine de vous interpréter Sur la route de Berthier à la flûte à bec, accompagnée d'un accordéon, que je vais jouer moi-même, et une tambourine. Donc, ça risque d'être assez affreux et cacophonique, donc je ferai peut-être pas finalement la chronique musicale. Ben non, c'est une blague! Il va en avoir une, mais je vais parler d'album, bien entendu. Jamais je n'oserais vous trucider jusqu'à ce point, ne serait-ce qu'en onde. Et aussi, je débute dans quelques instants un spécial que j'ai concocté uniquement pour moi, parce que vous, c'est pas trop important là, en bout de ligne, là, de groupes qui donnent principalement dans le dark metal, avec quelques petites influences doom à l'occasion et légèrement saupoudré par-ci et par-là de petites tendances gothiques à l'occasion, mais principalement du dark metal. Spécial qui dure quand même pratiquement 34 minutes, que l'on va débuter sous peu. Vous allez pouvoir entendre, entre autres, des formations comme Celtic Frost, oui, parce qu'ils ont évolué dans ce milieu. Moonspell, entendre une formation Alastis. Mais on va débuter tout de suite avec quelque chose qui... c'est assez malsain, je dois dire. C'est tiré du dernier album de cette formation, qui porte le nom de My Dying Bride. Allons écouter tout de suite une pièce qui dure pratiquement 8 minutes, 7 minutes 52, qui porte le nom de Kneel Till Doomsday. C'est tiré de l'album A Map of All Our Fears. My Dying Bride. Go. We'll be right back. his request was that she left the seas, gave up his daughter on the moon. So

Sully Factory, c'est une boutique de laine et un atelier d'art textile. Venez vous détendre dans notre salon de tricot. Pour débuter ou vous perfectionner, notre équipe de pros vous éclaire à trouver des idées originales et adaptées à vos habiletés. Plusieurs choix de fils et de laine s'offrent à vous. Cascade, Noro, Fliss Artist, Zara sont disponibles sur place. De plus, nous avons tous les accessoires pour vos projets de tricot, de tissage, de feutrage et de filage. Obtenez 10% de rabais sur présentation de la carte étudiante. De l'aiguille au rouet, en passant par les métiers de table, la Sully Factory est imbattable. 140 boulevard Louis Fréchette à Nicolet. Préparez-vous au Mardi de la relève du Gambrinus. Tu connais un Ben qui veut percer? Ou tu as toi-même ton Ben qui veut se faire remarquer? Eh bien, tu as jusqu'au 25 février pour t'inscrire au Mardi de la relève du Gambrinus. Plus de 10 000 en prix à gagner. Pour information, visite legambrinus.qc.ca ou écris au productionjoshua@hotmail.com. Les Mardis de la relève du Gambrinus, une présentation des productions Joshua et C'est Fou 89.1. Soldats, vous êtes prêts? Ça fait des semaines qu'on se prépare. Alors on passe à l'attaque. Défendez vos femmes, votre pays, mon Dieu. Avez-vous des questions? Ouais, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes avant? Aux toilettes! Aux toilettes avant! C'est con, hein? C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 24 février, venez voir les Bleus et les Verts s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et pour encore 43 minutes. Très long bloc spécial dédié au dark metal et parfois influencé par le doom, bien entendu. Ah, Gustave vient d'aller se promener. Parfait. Il me dérange énormément. Celtic Frost est la pièce Down of Megiddo que l'on retrouve sur le très très bon album et certainement le meilleur que la formation ait faite au Megatherium qui est paru en 85. Celtic Frost qui n'existe plus, depuis 2008 et pour diverses raisons bien entendu, mais la principale étant, je crois, que le dernier album, Monotheist, qui est paru en 2006, n'aura pas fait fureur comme Thomas Gabriel Warrior l'espérait. Et surtout que Martin Amis était un petit peu rendu weirdos, là. Donc, ils ont décidé probablement, ou Tom Gabriel Warrior, si vous préférez, a décidé de mettre un terme tout simplement à cette aventure. Juste auparavant, nous avions la formation Catatonia, formation qui nous vient de Suède et qui est active, elle, depuis 1991 sous ce terme, puisque de 87 à 91, il portait le titre de, ben, le nom de Melancholium. Formation qui a vraiment changé depuis le début, bien entendu, parce que cet album-là, Brave Murder Day, qui est paru en 1996, eh bien, ce n'était pas un membre de Catatonia, en l'occurrence, à cette époque-là, Jonas Rengsi, qui chantait, mais bien Mike Akufeld, de Hopeth, bien entendu. Quoique nous sommes quand même relativement loin de ce qu'Hopeth fait maintenant, ou en fait là, ben à l'époque, ils étaient un petit peu plus rough aussi, là, mais maintenant, Hopeth a pris une tendance très, très progressive, qui, moi, me convient parfaitement. Donc, c'était la pièce Rain Room que l'on retrouve sur cet album, Brave Murder Day, qui est paru, comme je l'ai dit, en 96, sur Avant-Garde. Moonspell. Qui ne connaît pas Moonspell? Ben, moi, je connais pas Moonspell. Ben, évidemment, tout le monde connaît Moonspell. La pièce In and Above Men, tirée de l'album The Antidote, qui est paru en 2003 sur Century Media. Et présentement, ben, je dis présentement, Au courant de la soirée, Moonspell vont se produire. Ils sont au Fofounes Électriques en compagnie de Leaves Eyes et Atrocity. Le spectacle débutait à 18h45 ce soir même. Donc, si vous êtes à l'écoute de Réanimation, c'est clair que vous n'irez pas voir Moonspell. Et vice-versa. Alastis, une formation qui nous vient de Suisse, qui n'existe plus, qui a mis terme à ses activités en 2004. En fait, une résurrection pour le moins. Ils ont été effectifs de 87 à 89. À l'époque, ils s'appelaient le Fort Reich. Et ont repris du service en 89, de 89 à 2004 sous le nom de Alastis. Ils sont catégorisés comme étant black metal, mais on s'entend que c'est pas vraiment du black metal, c'est plutôt vraiment du dark metal. La pièce étant Just Hate, pièce d'ouverture de l'album Revenge, qui est paru en 98 sur Century Media. Ils n'ont que, au total, ils ont 6 albums, pour une période d'activité de 89 à 2004, c'est pas énorme. Crypticon, ça, j'espère que vous ferez lien avec Celtic Frost, bien entendu, parce qu'il s'agit de Thomas Fisher, Thomas Gabriel Warrior, qui est l'instigateur de cette formation qui donne dans un dark gothic doom metal, formation qui vient de Suisse également, et qui est toujours en activité. D'ailleurs, le deuxième album studio complet de Crypticon doit paraître ce 14 avril prochain sous l'étiquette Century Media. Moi, j'ai bien hâte d'entendre ce qu'ils feront avec ce nouvel album parce que le premier étant Eparistera Daemones, qui est paru en 2010, m'avait bien plu. D'ailleurs, il me plaît toujours. Et la pièce que j'ai tirée de cet album était Enshrouded Decayed, pièce qui a un début très, très, je dirais, funèbre, que dis-je, et pour éventuellement, c'est une pièce en crescendo, si on veut, pour devenir beaucoup plus agressive, mais quand même dans une lignée très de cortège funèbre, si on veut. On ouvre avec My Dying Bride. My Dying Bride, ça, c'est une formation qui existe depuis, ma foi, assez longtemps, 1990, si je ne me trompe, qui est une formation qui vient du United Kingdom, et qui donne dans un doom death dark gothique tout dépendant. C'est un petit peu inégal ce qu'ils font, par contre, j'en conviens, mais ils ont de bonnes choses et je sais que le dernier album A Map of All Failures qui est paru en 2012 n'a pas eu une presse extraordinaire. Il est paru sur l'étiquette Peaceville. Mais moi, je l'ai bien aimé. Et puis, honnêtement, c'est un des, je dirais peut-être, 3 ou 4 albums que j'apprécie vraiment sur leur discographie. Ils en ont quand même quelques-uns, je dois dire, là. Vite comme ça, là, je dirais qu'ils ont une bonne dizaine d'albums, là, studio complet. J'ai retenu la pièce Nail Till Doomsday, qui apparaît bien sûr sur A Map of All Failures, et qui apparaît en 2012 sur Peaceville. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que je vous ferais une chronique musicale et que j'étais pour vous interpréter sur la route de Berthier en compagnie d'une flûte à bec, d'un accordéon et d'une tambourine. Eh bien, la voici. Bon, c'est une blague. Pas du tout. Je ferai vraiment pas ça. Par contre, il y a des petits trucs que j'ai écoutés qui sont sortis, qui sont assez intéressants. Mais au départ, je vais vous dire que le 24 février, si vous êtes amateur de la formation Acheron, qui donne dans un Black Death assez particulier, eh bien, le nouvel album sera disponible. Le 11 mars, c'est l'album Gojira Live, Les Enfants Sauvages, dont est le titre, avec une pochette, ma foi, fort ordinaire. Et pour le mois d'avril, la date, je ne l'ai pas encore trouvée arrêtée officiellement, mais un nouvel album des Polonais, Vader. Moi, j'aime bien ce que Vader font. C'est assez pareil d'un album à l'autre, mais je trouve que c'est assez efficace. Si vous aimez le heavy à tendance doom, eh bien, le nouvel album de Grand Magus devrait vous intéresser, Triumph and Power, qui est disponible présentement en CD et en LP. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez bien. J'aime le style de Grand Magus et cet album Triumph and Power m'a bien plu. J'ai donné un 8 sur 10. c'est une des bonnes formations, je trouve, qui utilise le heavy metal traditionnel, qui lui incorpore des touches plus sombres, plus lourdes, qui sont empruntées souvent au doom. Puis je trouve que c'est bien fait. Donc, Grand Magus, c'est un album que moi, je vous conseille si vous aimez le style. Je vous ai parlé la semaine dernière, ou j'en ai parlé, puis j'en parlerai pas. Ça vaut pas la peine. Cynic, formation américaine de metal progressif, Kindly Bend to Free Us, qui est le dernier album de cette formation qui est paru vendredi dernier. Moi, j'ai pas beaucoup aimé. J'aime bien le genre metal progressif. En fait, pas tout les bandes de metal progressif, parce qu'il y en a quand même de plus en plus, puis c'est pas tout bon, là. Mais Cynic, j'ai jamais vraiment détesté ça, mais celui-là, je le trouve franchement mou. Je trouve que c'est un album qui est mou, ça a pas de tonus, c'est du caramel qui fond au soleil, puis ça m'a pas vraiment plu. J'ai pas trouvé que c'était exécrable, j'ai pas trouvé ça bon, donc j'ai été assez... j'ai fait un Damoclès de moi-même, j'ai tranché la poire en deux, j'ai donné un 5 sur 10. J'aurais peut-être été tenté plus de donner un 3.5, mais quand même, c'est pas si mauvais que ça, à mon goût à moi. Mais possiblement que les amateurs du genre vont pouvoir lui trouver quelque chose, du moins je vous le souhaite. Quelque chose que j'ai découvert, Sinistros m'en avait parlé brièvement avant de quitter l'émission, et c'est une formation dont l'album est disponible maintenant, qui s'appelle Narcotic Wasteland, dont l'album porte le même titre, qui est un brutal death metal, c'est made in USA, et ça met pas en vedette n'importe qui, parce que l'instigateur du band, c'est Dallas Tyler Wade, qui est le guitariste chanteur de la formation Nile. C'est pas vilain du tout. Narcotic Wasteland, premier album qui est sorti en autoproduction, totalement indépendant. C'est cool parce que les autres ont pas, ça permet de faire ce qu'ils veulent, puis ils seront pas régis par quoi que ce soit. Ben, en fait, beaucoup moins. Et c'est très efficace. Là, j'ai donné un 8.5 sur 10 à Narcotic Wasteland parce que j'aime beaucoup Nile. Et si vous aimez Nile, vous allez vous retrouver énormément, parce que il faut savoir, c'est le même type de vocal, et Dallas utilise énormément ses influences qu'il a imputées à Nile dans Narcotic Wasteland. Je dirais pas que c'est une émule, je dirais pas que c'est une copie, mais je dirais qu'il y a une grande influence de sa propre création au sein de son side project. Mais c'est excellent. Si vous aimez le brutal death metal, je pense que Narcotic Wasteland, c'est quelque chose pour vous. Voilà. Allons faire un petit escapade du côté cinéma, parce qu'il y a eu des choses pas si mal, je dois dire. Écoutez, j'en ai pas écouté tant que ça. Oui, j'en ai écouté, mais j'ai écouté des vieilles choses qui sonnent peut-être pas vous intéresser, donc j'en parlerai probablement pas. Par contre, j'ai découvert une nouvelle série télévisée qui vient de la BBC originellement, qui est disponible sur Space Channel, qui porte le titre de Ripper Street. Bon, en fait, je crois qu'ils en sont à la saison 2 présentement. Moi, j'ai commencé à découvrir la saison 1, qui est une série qui est principalement axée sur le crime et le mystère, qui se passe à une époque très victorienne, et spécialement dans un endroit que j'aime beaucoup, Whitechapel, en Angleterre, là même où a sévi de nombreuses fois et de façon très, je dirais, explicite, notre ami Jack l'Éventreur. Et justement, la série met en vedette deux policiers qui croient prouver que, malgré le fait qu'il y ait des assassinats qui se passent encore dans ces quartiers malfamés, et souvent auprès de prostituées, et des crimes qui ressemblent énormément à ce que Jack l'Éventreur avait fait, que Jack n'est pas revenu. Mais, en fait, tout ce qui est, je dirais, la loi, les dignitaires législatifs croient vraiment le contraire, et ces deux policiers-là, accompagnés d'un chirurgien qui est un Américain, qui est un Yankee, en fait, qui a servi comme médecin pendant la guerre de sécession, qui est maintenant émigré en Angleterre, et bien se joint à eux pour finalement prouver de façon médicale que les crimes ne sont pas nécessairement les mêmes, et de la même façon que Jack l'Éventreur procédait. C'est excessivement bien fait. L'esthétisme et le graphisme employé est excellent. Les reconstitutions visuelles sont très, très bonnes. De même que tout ce qui est interaction, parce que on s'entend que cette époque victorienne est remplie de détails architecturaux principalement, qui donnent vraiment beaucoup d'atmosphère à ces films ou ces émissions-là. C'est bien interprété par Matthew McFadden et Jerome Flynn, entre autres, qui font une belle job. J'ai pas fini d'écouter la saison loin de là. J'ai peut-être 3 épisodes de fait, mais c'est très embarquant, je dois dire. Et puis, si vous aimez le genre un peu, là, de Sherlock Holmes et compagnie, là, je pense que vous allez vous y retrouver parce que c'est très bien fait. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un film que j'ai pas eu le temps de voir encore, qui s'appelle Seven Below, qui est un film d'horreur, thriller, qui met en vedette Val Kilmer et Ving Rhames, entre autres, c'est une histoire de, de fantômes, si on veut, là, selon ce que j'ai pu voir comme preview, selon ce que j'ai pu voir comme synopsis. Bon, j'ai les retenues, Val Kilmer, c'est malheureusement quelqu'un qui ne fait plus grand-chose de très intéressant, ou généralement 1/5, là. Il est un petit peu paumé, Val, là, faut dire, là. Et ses heures de gloire, je pense qu'elles sont passées, mais nous va-t-on savoir, peut-être que Seven Below pourrait être intéressant, je vous en parlerai la semaine prochaine. Un autre film que j'ai vu, et à mon grand étonnement, je dois dire que je me surprends tous les fois de vouloir écouter ces films-là qui mettent en vedette des acteurs qui ont eu eux aussi qui ont eu des heures de gloire plus dans les années 80, je dirais fin 70, 80, début 90, et qui ont passé souvent partie des dernières décennies à passer pour des has-been. Je parle ici de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Gustave? J'ai pas de goût? Toi non plus, t'en as plus, tu es mort. J'ai écouté le film Escape Plan. C'est un film d'action qui met en vedette Sylvester et Arnold, bien entendu, et Jim Caviezel, qui joue un excellent méchant là-dedans, d'ailleurs. Le tout se passe à l'intérieur de prison. Donc, Stallone, son travail est engagé par le gouvernement, si on veut, pour être incarcéré en tant que faux prisonnier et trouver les failles de ces prisons-là en s'en échappant pour être capable de rendre les endroits et les établissements plus sécuritaires. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à un certain moment donné où celui qui est associé avec lui dans ça décide que, bon, il est peut-être gênant puis il faudrait peut-être s'en débarrasser. Donc, on décide de le faire enfermer réellement dans une prison clandestine. Il rencontre Arnold Schwarzenegger, bien entendu, qui lui aussi est un détenu, et qui, malgré le fait, sur le côté un peu poche de l'histoire, là, qui s'affronte au début, et puis que Sylvester veut rien savoir de personne, ben, ils deviennent, amis, là, bon, puis ils s'entraident pour préparer leur évasion. Je vous donne pas le punch, parce que c'est quand même un peu original à quelque part, je dois dire, le concept de cette prison-là, réelle, si on veut, dans laquelle Stallone est enfermé. C'est divertissant. Je dois le dire, honnêtement, je pense que Schwarzenegger et Stallone sont comme certains vins et ont eu tendance à s'améliorer en vieillissant. Je les trouve moins quétaines qu'ils étaient. Je les trouve un petit peu plus crédibles. Et surtout, je trouve que généralement, ils vont jouer dans des films qui ont moins une petite morale poche à la fin de dire « Ah, soyez bons amis, serrez-vous la main, puis on a quand même eu du plaisir. » Je trouve ça un peu ridicule. Il y a un peu de cet aspect-là là-dedans, mais c'est moins pire. C'est divertissant. Je vais donner un 7/10. C'est pas le genre de film qui donnerait le goût d'être revu, probablement pas jamais, mais pour le temps, je pense c'est 1h40, que ça dure, c'est divertissant. Escape Plan, c'est disponible en DVD en Blu-ray. Puis je pense que si vous avez rien à faire, ben c'est mieux que rien faire du tout. Le film à revoir ou à découvrir est un film de 1973 que je vous propose cette semaine qui s'appelle The Legend of Hell House, qui est un film d'horreur, bien entendu, qui met en vedette Roddy McDowall, entre autres, qui est celui qui a interprété Cornelius dans les originaux de la planète des singes. Ben évidemment, on ne voyait pas vraiment sous son maquillage, là, mais c'est vraiment lui qui a joué dans d'autres films, évidemment, dont un excellent film de vampire qui est Fright Night, ou Vampire, vous avez dit Vampire, l'original, bien entendu, non pas le remake qui est absolument poche. Il joue dans The Legend of Hell House, puis c'est afin de découvrir les mystères de la maison des damnés, parce que c'est le titre aussi français, une équipe composée de couples de physiciens, d'un médium, d'un survivant de cette maison-là, qui s'enferme pendant une semaine dans cette maison, ou on en ressort mort ou fou. Bref, c'est très L'ambiance est vraiment malsaine dans ce film. Je peux pas dire que le jeu des acteurs est extraordinaire, mais il est correct. Mais c'est vraiment, on apprécie The Legend of Hell House pour l'ambiance qui s'en dégage. C'est une bonne ambiance de film d'horreur comme on en retrouve rarement maintenant. Et je pense que ça vaut la peine pour vous de le découvrir si vous êtes amateur de films d'horreur et vous voulez chercher plus loin que ce qu'on vous met dans la gorge de force aujourd'hui, des films qui sont pas nécessairement... Ben, c'est des films jetables, on s'entend, des films bonbons, popcorn, appelez ça comme vous voudrez. Je pense que The Legend of Hell House, qui était produit en 73, est un film à découvrir. C'est un film de John Hughes. Et moi, je lui accorde un 8 sur 10. Voilà qui est là. Qui est ça. Encore toi, Gustave? Quoi? L'émission s'achève? Oui. Mais on n'est pas dans Bobino aussi. Donc, je saurais bien le dire, à mon tour tout à l'heure, on va y aller avec cette fois-ci un petit bloc death metal. Allons-y tout de suite avec Decapitator de la pièce Fear of Madness. Go! We'll be right back.

J'adore cette pièce, Kate Eye, la pièce Blackpool, que l'on retrouve sur l'album Second Sight, qui est paru en 2012 sur Instant Classic. D'ailleurs, c'est toujours à cette date-ci le seul, c'est le deuxième et les deux seuls albums qui sont sortis. Rien de nouveau pour cette formation polonaise. On a entendu juste auparavant Morbid Angel, la pièce Nothing Is Not, que l'on retrouve sur le très bon album Formulas Fatal to the Flesh, qui est paru en 98 sur E-Rake. Et nous avons ouvert ce bloc avec Decapitated et la pièce Sphere of Madness, tirée de l'album Nihility, qui lui est paru en 2002. Et ils sont déjà venus ici à Trois-Rivières. C'est Jeff Hull avec Trois-Rivières Metal qui les avait fait venir il y a... Je dirais possiblement une dizaine d'années. C'était au Maquisard ici. Ça avait été un très bon spectacle d'ailleurs. La semaine prochaine, je vous propose un spécial qui va prendre pratiquement la moitié de l'émission. Un spécial sur Martin Van Dronen. Qui est Martin Van Dronen? Eh bien, c'est celui que je qualifierais, en fait, c'est un goût personnel, bien entendu, mais un des meilleurs chanteurs métal présents actuellement qui donne dans le death thrash metal. Évidemment, Martin Van Dronen, c'est le vocal qu'on retrouve derrière Asphyx, Grand Supreme, Blood Court et Hell of Bullets. Hell of Bullets, c'est une des formations que j'aime le plus. Et d'ailleurs, c'était mon numéro 2 de mes choix de mon top 10 2013, soit le dernier album Third The Rummel Chronicles. Donc, je me propose de vous faire explorer le vocal très particulier, mais combien enivrant de Martin Van Dronen la semaine prochaine, à raison de découvrir des pièces tirées de différents albums. Ben, en fait, des différents albums, oui, quand ils sont disponibles, comme Grand Supreme Blood Court, il n'y a qu'un album, mais de Asphyx, il y en a plus qu'un, et de Hell of Bullets aussi, donc c'est une spéciale qui va durer pratiquement la moitié de l'émission. N'oubliez pas que ce vendredi, dès 11h, sur les ondes même ici de Sifu 89.1 FM, c'est la traditionnelle émission rock classique avec le Rockmaster Alain Lefebvre, émission qui se consacre au classique rock, les racines du rock, l'évolution du rock à travers le temps. Et j'ai l'impression que c'est lui qui vient de le dire d'ailleurs. Et le Rockmaster est en ondes de 11h à 17h et moi je me joins à lui à 12h30 pour partager mes goûts, évidemment en matière de classic rock et de métal aussi, parce que plus on avance dans l'émission, plus l'émission devient un petit peu plus rough. Et cette semaine, c'est le traditionnel 3 pour 1, donc vous entendrez diverses choses qui, j'en doute pas, seront vous plaire. Et si ce n'est pas le cas, ben c'est parce que vous avez tout simplement pas de goût. Bon, voici, étant dit, on se laisse sur une dernière pièce. J'aurais aimé pouvoir vous en passer plus parce que je vous avais concocté quelque chose de très brutal à la fin, mais on s'en prendra la semaine prochaine si on le peut. Sinon, il y en a d'autres des émissions à venir. Une pièce tirée d'un album que je trouve excessivement intéressant, qui porte le titre de... Non, c'est pas les contes de Tante Lucille, Gustave. Faut savoir que Gustave est un fantôme un peu perturbé. Comme je l'ai déjà dit, il a vécu très longtemps dans la maison de Bobino, donc il pense que tout est pour enfants ici. Non, Gustave, parce qu'il s'agit de Immolation et la pièce The Rapture of Ghost qu'on retrouve sur Majesty and Decay, qui est paru en 2010 sous l'étiquette Nuclear Blast. Allons-y, quittons-nous tout ensemble avec Immolation. Et moi, je vous dis, allez tous vous faire foutre. Jusqu'à la semaine prochaine. Go!